C'est expérimental. Rénal devient expérimental. Par curiosité, OK? On va tout enlever les échos. Les deux basses que vous avez entendues, c'est Georges Brassens. Tant que régnait le grand pan, les dieux protégeaient les ivrognes. Et l'autre, c'était Léo Ferré. Toi, ce chien de mer, que nous libérions sur parole. Oh! Deux mélanges pour un ensemble des plus juteux et vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Le dessin systématiquement manipule le sans-dessin par sa signature. On est en forme, hein? On est revenu en force. En fait, on n'est jamais tombé dans la faiblesse. C'est le but. Ne jamais tomber dans la faiblesse. 6 euros! Voyons, bon, toi, t'as le déco comme... Si un jour... Hey, wow! Ça débouche les oreilles! Non, on peut avoir un moment de faiblesse, heureusement. Ça nous prouve qu'on est encore humain. Même l'ordinateur a des moments de faiblesse, quelquefois. Même l'électricité a des moments de faiblesse. Même Gaétane, Brise-Gaétane, a des moments de faiblesse. Voyons donc, Sainte Gaétane, priez pour elle. Celle qui lèche les vitrines autant qu'elle lèche son plancher. Elle ne le sert pas avec une vadrouille. Elle se tricote un maillot de laine tout à fait particulier et elle pirouette, hein? Le pirouettage n'a pas le droit. Non, il n'y a pas de pirouettage ce soir. Nous n'inventerons pas de nouveaux mots puisque l'Académie française a déjà de la difficulté à maîtriser les anglicismes qui entrent à double amour dans la francophonie. Le québécisme, en passant, le québécisme n'est pas une langue, mais un dialecte. René Lévesque est séparatiste. Attention, j'ai lu des conneries sur Facebook là, sur la photo que j'ai placée de mon ami René. Est-ce que j'ai dit Raymond? René. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire à une prochaine fois, ça c'est mon imitation de René Lévesque. En fait, c'est pas sorcier. Il suffit de fumer des cigarettes une après l'autre. Alors, c'est soit que tu... deviens. Soit que ta voix apparaît. Hey, voyons donc, ouais. On va mouiller le gorgeon. Ah, voilà. L'eau de source, l'eau de vie. Comprendre, c'est séduire par la compréhension du discours de l'autre. Même si, sans le savoir, tu découvres tout, cherche à nier pour mieux l'analyser. Vas-y, arrête-toi dans l'action et demande une réduction à peine voilée. Voilà, que la nuit gronde à chaque seconde sous un monde de molécules si inertes, n'alertez pas les Parisiennes, les chiennes, enfin, se dresser par grogner. Hello? Dans un moment de délire artesque. Non, mais si je l'ajoute, est-ce que c'est trop fort, cet écho-là? Là? Oui, légèrement. Puis en plus, c'est comme... Spring in the spring. Arrête de manger ton micro. OK, pas pire, ça. Ouais, c'est ça, spring. Voilà. Que la nuit gronde à chaque seconde sous un monde de molécules si inertes. N'alertez pas les Parisiennes, les chiennes, enfin, se dressent pour grogner. Avez-vous autre chose à rajouter, M. Gagné, pour votre défense? L'analyse de texte, c'est pas votre fort. Non, oh non, non, surtout pas. Faut laisser les gens comprendre ce qu'ils veulent bien comprendre et refuser certains mots. C'est ça, la liberté. J'ai une amie, Clio Vérin, qui se demandait il y a quelques mois, qu'est-ce que la liberté pour vous? Très intéressant comme question. C'est presque même une question de fin de bac. Les bacs bruns, là. Recyclage. On en recycle-tu des idées? On s'imagine être le premier. La chaise vient de descendre de 3 kilos. Voyons donc, ça descend pas en kilos, ça descend en water. En water? Bien, c'est ça, on n'a plus de water. Donc, on se débrouille avec l'eau sèche. Ça fait comme moi. Ça attend. Ça sèche. Puis, à part ça, comment ça va, toi, mon ami? Être merveilleux. Puis là, j'avais une petite chanson de Mme Julien à vouloir, mais là, je crois que l'écho ne fonctionne pas. Ce soir. Ouais, mais c'est pas assez d'écho à mon écho sonore, comme dit. Ce soir. Un moment de tendresse, ça prend sa place à cette heure-ci. Minuit 10, là, hein, on est dans notre chez-soi, à la chaleur, normalement, pas dans une boîte en carton. On se le souhaite pas, quoique on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et les gens qui se gonflent le torse en disant « Oh, ça m'arrivera jamais », faut faire gaffe à tout. Aujourd'hui, comme disait Charles Aznavour, on est en haut de l'affiche. Peut-être que le lendemain, on se retrouve près de la poubelle. C'est ça, le point, ça, c'est pas 2016. Madame 2016 m'amène beaucoup de réflexions nostalgiques sur la vie qui était bien à une certaine époque, qui aujourd'hui n'est plus aussi bien. Avons-nous fait les bons choix? Pour ma part, non. Il fait un très mauvais choix. Puis, mais il faut savoir vivre avec ses mauvais choix. Ça fait partie de la vie. Et à chaque moment que ça me revient à l'esprit, je me dis, au moins, ce n'est pas une erreur sentimentale. Et pour moi, les sentiments passent avant tout. Même avant le boulot, ben oui. La vie au boulot, oui, c'est du boulot d'impatience, gestionnaire de ton entreprise en manque de direction. Oublions les amarres familiaux, l'école. Hey, tu l'as dit, ta petite contienne, oublions les amarres familiaux. Bref, appuyons la dure réalité qui attend le quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous. Hey, je sais ça, quand je prends l'autobus de ma main droite, là, puis mon texte de la main gauche, là, et je lève l'autobus, je baisse, et je me pratique, là, pour donner du rythme. Là, parce qu'à la fin, après 3000 fois que tu as levé l'autobus, pas l'autobus en plastique, là, l'autobus du show business. Là. Tous les artistes à bord, ceux qui ont la tête remplie d'imaginaire, les ceux qui en ont plus parce que ça a tout glissé sur scène pendant les années LSD ou les années rock and roll. J'ai absolument rien contre les années rock and roll. Au contraire, il faut malheureusement payer de sa personne pour divertir le peuple. Eh oui. Même j'ai entendu une chanteuse il y a quelque temps, interprète, mais pas compositrice, qui disait que sur scène, on doit pas beaucoup se donner. Ben, non, on doit se donner, mais avec parcimonie. Je ne connais pas, mais parcimonie. On va. Hey, ce serait peut-être bien là pour la première rencontre. Avons-nous fermé notre. OK. On va parler. Nous allons réveiller à minuit 13 la parcimonie. Juste pour le plaisir. Là, oui, je sais. Attendez. Nous allons réveiller à minuit 13. Il y a l'écho, hein? Alors, excusez. Je m'endormais moi-même. On va la réveiller, la parcimonie. Alors, hé, monsieur. Allô? Oh! Allô? Non, ça va pas. OK, on y va. Tu composes, ma belle Gaétane, compose. On t'a payé, hein? Ça fait combien d'années? Tu fais ça 9 ans? 9 ans et 2 dentiers. Oui, parce qu'elle se mord les lèvres, hein? Puis les premières dents, c'est même elle, c'est la prothèse en hiver. En hiver. Pas en hiver, en hiver. De l'hiver. Un éléphant, ça a de l'hiver, ça? Patrick Liouer, l'acteur, bon, ça a de l'hiver. C'est pas chaud en hiver, l'hiver? Okay, compose, tu vois, là, on va parler à qui, non? À qui on doit parler? Oh non! Oh non, avez-vous la cassette? Coulisses! Coulisses! Appelle-moi coulisses. Coulisses! Elle ne s'est pas essuyée, la coulisse? Ah non, elle sait la... Ah, comment tu peux la retrouver, ça? C'était... Coulisses! Il n'y en a plus de coulisses. Ah, c'est... Torchon! C'est le torchon qui est... Torchon! On va parler au torchon. Torchon! Je n'ai pas de sifflet, moi. Torchon! Hey, t'as-tu le sifflette? On va aller... Ah, parcimonie, merci! Oh, hey! Écouteur, merci, écouteur. Alors, on va réveiller la parcimonie. Parce que là, on ne sait pas. Là, c'est, est-ce que c'est par-ci, par-là, plus par-là, plus par-ci? Allô? Et monsieur? Allô, la parcimonie? Et monsieur? Ça va bien? Là, vous êtes matinal, vous, hein? Donc, en un mot, vous dormiez. Par-ci, par-là, ou... Ouais. Parcimonie. Là, c'est... Oh, en passant, c'est Rélal. Ouais. Animateur de l'émission, l'excellente émission Errance Renaldienne qui a gagné des prix et des prix comme animateur de l'année, animateur de la semaine, animateur de l'heure, animateur de la seconde, réanimateur et celui qui tente d'animer et qui n'anime plus, ben, c'est lui. Êtes-vous ému? Entièrement ou en parcimonie? C'est un mot imbécile, parcimonie. Là. C'est, ça, là, c'est pour les gens là, qui ne savent pas. Hein? Oui, c'est du milieu. Les gens du milieu, les gens qui... Ouf, c'est égaux. Hein? Ben oui, on est... tout le monde est né d'une manière semblable, équivalente. C'est, ben oui, c'est parcimonie, par-ci, par-là. Ben voyons donc, tu peux être riche, tu peux être pauvre. Bon, les riches, les pauvres, ça s'annule, hein? À force d'annuler, on devient nul, hein? Quand on est nul, on est zéro, hein? Dans le zéro, il n'y a pas de parcimonie, c'est rien. Ouais. Faites-vous partie des imbéciles, vous? Parcimonie, c'est imbécile, hein? Mais j'aime ça vous l'entendre dire. Alors, vous êtes sans doute en chute libre. Selon moi, là, et j'en prie tous les saints de ma nouvelle copine, j'espère que il n'y a pas de parachute. Parce que s'il n'y en a pas, là, vous risquez de tomber et de haut. Et ce ne sera pas à droite, à gauche, dans le milieu, parcimonie. Non, non, non, non, non, non. Ce sera dans un endroit précis. Vous ferez un trou précis. Vous tomberez avec le poids lourd et... sans lendemain. Hey, quand on dit sans lendemain, c'est quand même assez fatal, assez fin. Hein, hey, mon petit fin finaux, est-ce que c'est final ou finaux? Finaux, fin finaux, c'est finaux, hein? Final, ben oui. Là, maintenant, c'est... Non, c'est pas encore les séries Illimi. Non, c'est pas les Illimi. Illimi, la boule, la mille. Parce que là, je lis boulette, là. Boulette de fracaille à la Toscane, hein? À la farfatale, et monsieur, à la... de Toscane. Boulette à la Toscane. Gastronomie bambo. Les gens savent que je mange de la bumble. Mais oui, mais attendez, hey, je veux, Madame Thibodeau. Oui, oui, parce que depuis que je travaille dans un super craché, un super crachat, il y en a de la... Ah, la belle grosse jaune. Ça, c'est un beau crachat, là. Puis laissez-moi vous dire qu'on crache sur la... On crache. depuis que je suis là, ma maison, là, est remplie de rabais. Fait que là, c'est la soupe Bumble, boulette et faraille à la Toscane. Et monsieur, il y a jamais la banquée, toujours de Bumble. Puis ça, ce qui est bien, c'est qu'on dit que c'est presque du pâté chinois. Pour les gens qui ne savent pas, si vous êtes nouvel arrivant au Québec, restez ici, on vous aime. On veut vous garder. Vous êtes la couleur d'une société. Examinez un peu comment on fonctionne, là, puis amenez votre signature. On va vous accepter avec grande joie. Grande joie. Et vous allez vous rendre compte que, je voulais dire, Bumble, est-ce que c'est où j'aime Bumble? Des rabais, des plus séduisants. C'est KRL, là, 25$, là, méchant rabais pour écouter une radio exceptionnelle. Devenez membre, 640-2575, 418-640-2575, demain, à l'ouverture, vendredi, là, à 20, non, pas 20h, le quoi que les artistes réveillent à 20h. Mme Beaumont, elle a la capacité, mais ça, parce que c'est une surfemme. Superwoman, là, on devrait changer ça. On voudrait faire un film, enlever l'épithète Superwoman et mettre Mme Tania Beaumont avec la cape, là. Et je la verrai avec la cape. Le regard qui tue et la cape. En en décaperait quelques-uns. Ah non. Pardon. Bumble. On parle de Bumble. Come me Bumble, walk me through. Oh my bullet, come bon, Toscan. Toscan, pas le mais ça la Bumble. Oh oui, love me Bumble, I love you. I want the wind's will. Gastronomy Bumble, Omission, peut-être delicious. Ah oui, on va parler du pâté chinois. Qu'est-ce que c'est pour les nouveaux arrivants à la pâté chinois? C'est anciennement, je l'ai raconté plusieurs fois. Oui, on est au mode radotage en 2016, madame. Tranquillement, la démence, là, démence rénaldienne, rénal gagné, c'est moi. J'ai donné un nom que ma mère aujourd'hui, malheureusement, tire avec elle comme Jésus sur sa croix. Mais pour venir à Bumble, non, pâté chinois. Anciennement, on faisait venir des. Parce qu'on était trop heureux, on savait que c'était un risque là, de mourir en faisant des tunnels. Il y a beaucoup de Chinois qui sont passés au Québec, qui n'ont pas ouvert de dépanneur au début, mais c'était quand même la prospection. Ils venaient voir là, comment nos établissements fonctionnaient. Si on avait de la lumière, si on fonctionnait à l'huile, mais Rita, elle fonctionne encore à l'huile. Ah, oh, elle est dans le graisse. Elle, là, c'est deux graisseuses puis un pêteux. Oh! Mais non, ça, c'est une autre. Les endureux. Et puis là, c'est ça, les Chinois venaient travailler dans les mines. Les tunnels, il y en avait des morts parce que ça tombait, les briques tombaient, les rochers tombaient, tout tombait. Et pour nourrir ces gens, les peu qui restaient de vivants, ben, on essayait de faire un mets quand même pas trop cher, mais qui redonnait vie à ces travailleurs, à ces grands forcenés. Donc, on a mis en place, sans le savoir, un pâté. Un pâté qui était composé, parce que nous, au Québec, on a des champs de maïs. C'est pour ça, moi, là, regarde, quand je fais cette émission-là, là, quand je me promène jamais parce que je sais qu'il maïs. Elle vient, non, non. Madame, riez-la pas, c'est du compost humoristique. Il y en a beaucoup au Québec, des humoristes qui en font. C'est soit tu fais ton méchant, tu te retrouves en cours. Hein, tu peux dire à quelqu'un là, qui travaille avec toi, « Ah ouais, toi aussi, ouais, mais non, et si on continue à faire ça, on va se retrouver comme toi dans les... » Non, je ne dirai jamais ça. Tu comprends pas? Moi non plus. Non. Ça, c'est la version relax. Là. Et puis donc, il y avait des Chinois. Puis pour les nourrir, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un pâté avec comment on avait des champs de blé. Et puis, comme les cheveux du petit prince, on avait aussi de la patate. Ah, de la panne, de la patate. C'est bon, de patate. C'est bon. Dans le bâton, on te les met. On dessine le oh, la patate, oh, la patate, oh, il y en a. La patate, oui, il y en a. Et donc, et les bœufs. Oui, oui, oui, oui, mais arrêtez-vous. Non, les bœufs, les vrais, là, qui mangent dans les prairies, là, puis sans la petite maison. Ils vont dans la petite maison, on appelle ça une ferme. Pour digérer toute leur plein, ça mange, puis c'est comme la vache, un peu, un bœuf, mais je sais pas, peut-être. Moi, je suis pas fermier, moi, là, je suis qu'un cultivateur de mots. Mais tout ça pour dire qu'il y avait steak, bledingue, patate, et ça a fait, on a composé pour nos amis chinois le pâté, et on l'a appelé, c'est pas compliqué, le pâté chinois. Et Bumble me propose, je n'ai pas encore mangé, là, c'est peut-être ma dernière émission parce que je vais l'essayer cette semaine, un simili pâté chinois. Et on dit à Lando, à la saveur de bière. Quand même, c'est, ça sonne le 3 heures du matin, le bar est fermé, t'as un trop-plein de houblon, puis là, tu t'en vois, tu portes tes chinois à la saveur de bière. Venez voir si le pâté chinois est bon. Allons voir, c'est le pâté chinois. Mais en parlant de pâté chinois, je suis un amateur de ce genre de mets, mais excusez-moi, beaucoup de personnes, je suis en train de m'étouffer en direct, est-ce possible? Mais plusieurs se l'approprient. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, non, se l'offre, mais autrement. Mon filleul, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute à ses patates du navet et des carottes. C'est très bon. D'autres, mais place du maïs sans crème et du maïs sans grain. C'est très bon. Il y en a là, lorsqu'ils se rendent compte que leur pâté chinois n'est pas réussi, ils garnissent ça de ketchup. Ketchup, ça, c'est une sauce tomate. Mais là, c'est immonde. Et puis avec du vinaigre aussi. Ils en mettent un max pour noyer le goût. C'est quand même triste, là. Tu réussis pas, et comme ça t'a coûté 3,95$ de bœuf à chier, tu vas coucher ça de 3,50$ de ketchup. Hein? Oh, monsieur. La vie n'est pas facile pour certaines personnes, mais heureusement, comme je le dis assez régulièrement, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui... Oh, j'ai mal aux pieds. Hey, je travaille avec des gens, moi-là. Là. Avant ça, j'étais tout seul. L'oasis de paix. Ah, oh, on pouvait flatuler. C'était un oasis. Pouf, personne comble. Pouf, on était tout seul. Pouf, mais là, c'est pas ça. Là. Tu dois faire... On dirait des grenades au loin. On se fait attaquer. Ça, c'est ma Gaétane Brisebois qui travaillait avec moi. On se fait attaquer. Oh, non. Non, c'est de l'écho. Ouais, mais qu'est-ce que ça, d'écho? Je sais pas, de l'écho. Ça, c'est de l'écho, mais avant que je parle. Mais non, mais de l'écho, c'est après. Mais là, regarde, des films... Insignifiant. Des films états-uniens, là, quand ils présentent la guerre, là, puis il y a un canon, là, le sifflet, là, ça vient pas après le tir du boulet, mais avant, pour propulser. Ça fait... Mais là, pour le film, je sais pas pourquoi les États-Unis font ça, c'est que t'entends le... Enfin, ça, c'est l'inverse. Je sais, moi, je suis un ancien canotier. J'en ai fait des canots. Des canons. Je suis un canontier. Canon. Hey, qu'est-ce qu'il fait, là, lui, l'Underground? L'Underground, I waited through the night. Encore le pied. Voyons donc, oui, je me suis trompé. Ah, c'est une nouvelle... Oh, non. Bonjour, les amis. Monsieur le Président. Peut-être tourner la page. Ah, oui, c'est ça. Monsieur le Président, merci d'être ici avec moi ce soir. À une heure si tardive, mais il faut raisonner l'écho. Avez-vous déjà essayé de raisonner l'écho? Alors, on demande, réfléchissez l'écho là, de ce que... Des mots que vous redites, là. C'est pas le début de Alzheimer, là, mais c'est un début de pardon? De fluoro. Fluoral. Fluoral, oublie. Fluoro. C'est du fluoro, fluoroadente, oui. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques et cathodiques, madame les voluptés, Rouen, et vous, chers résidentes et résidents impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald Le Néant, gagné aujourd'hui le vendredi 8 janvier 2016. Est-ce que je dois le répéter? 8 janvier 2016. Errance, les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui nous. Viens-t'en, on s'en va. Mon oncle Renal est tanné, là. Tanné, pas comme le cuir tanné, là, mais il y en a ras le pompon. Il n'en porte pas de sucre, c'est ara. Moi, je suis ara. Et puis donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, en juillet 2015, Réré, le dégénéré, le trouble-fête de CKRL, la première radio associative francophone au monde, se trouvait là à Paris pour rencontrer mon ami Kent. Kent qui est un chanteur. Ben oui, de son vrai nom, est-ce qu'on doit le dire? Non, on va laisser le mystère. Et puis, c'est le fondateur du groupe Star Shooter que nous avons entendu en tout premier lieu, avant le... C'est ça. Et pendant aujourd'hui puis la semaine prochaine, ce sera mon ami Kent. Et Kent en solo et son groupe punk Star Shooter. Et ça a été bon! Kent Shooter, hey! Moi, j'en ai des idées. Repasse à un autre nom, mon Kent. Kent Shooter. Bon, OK, Star Shooter. Né dans l'explosion punk en 77 et un auteur de bande dessinée, romans et chansons. Son parcours à mon ami Kent, c'est très simple, mais même quand même assez complexe. À la fin des années 70, énergique, moderne et inventif, Star Shooter fait partie des nouveaux groupes dont on parle plus tout comme aussi. Hein? On en parle autant que le groupe Téléphone, Bijoux ou Trust et se classe en tête des hit parades avec Betsy Party, on va l'entendre, de nombreuses rééditions, compilations. Après sa séparation des Star Shooter en 82, Kent se consacre à la bande dessinée et aux albums en solo. Il renoue avec un certain succès en 90, mais nous, en juillet 2015, on a eu la chance de le rencontrer. La preuve. Ça m'a foutu un coup, je ne savais rien du tout. Seigneur, ma petite amie s'est suicidée. Je ne comprends pas ce qui lui a pris. Je ne vois pas ce qui lui manquait. Je n'ai vraiment rien compris à l'affaire. Qu'est-ce qui se passait? Écrasé en bas. Si je n'ai du deuxième, je sais pas pourquoi. Pile mon copain s'est trucidé. Parce que ça n'a s'est cassé. Je crois que je vais pas résister. Quel triste bébé. Quel triste bébé. Quel triste bébé. Je veux pas me flinguer. Je veux pas me flinguer. Je veux pas me flinguer. Je veux pas me flinguer. We'll be right back. CKRL, ouais, qui est une radio associative, la première radio associative francophone au monde. Donc, c'est une radio qui a donné la voix à des trucs comme Super Nana, à des radios comme 44. Ouais. Aujourd'hui, il reste de véritables radios libres, libertaires, la radio libertaire. Et donc, c'est nous qui avons montré la façon de faire à ces radios-là. Nous, on existe depuis 74. Ici, c'est 82. Ouais. Donc, tout part de Québec. Ouais. La ville de Québec. D'accord. Et ici, ben, j'ai rencontré des artistes, des chanteurs, des gens qui viennent enrichir la francophonie. Et ouais. Kent, tu as fait partie d'un groupe mythique, c'est un shooter. Ouais. En 70. Ah, oh, c'est la façon dont je le prononce, hein? Non, non, c'est pas ça, c'est le mythique. Ben non. Ouais. Pas vraiment. Pas vraiment. De quoi? C'était pas mythique. C'est pas mythique. Non, mais je peux pas dire oui, c'est vrai. Ok. ça fait un peu prétentieux. Je suis ravi que ce soit mythique. Mais c'est pour ça que ça me fait sourire. Ok. Parce qu'on a sacralisé un peu le groupe. Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, ça tombe dans. Comme il y a des droits qui tombent dans le domaine public, il y a des groupes qui tombent dans le domaine mythique. Ouais, mais c'est mieux être mythique que public, non? Sans doute. Je sais pas, je lance des. Mais tu as fait ton école dans les années 70 avec ce groupe, tu as été le pionnier, tu as été celui qui a lancé ce punk français avec plein de gros. Oui, c'est sûr. Les Dogs, et, ouais. Mais tu as été un des premiers. Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr qu'on était pionnier. Ouais. Pourquoi tu voulais faire du punk? Je voulais faire du rock comme tout adolescent. Et tu savais pas que ça s'appelait du punk? Je ne savais pas que ça s'appelait du punk à ce moment-là. On arrivait dans la vague, c'est un peu comme si on surfait, et puis quand on attend d'une vague, et puis que la vague arrive, et tu es emporté par la vague. C'est le même effet, quoi. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Après, on te dit la vague, elle s'appelait comme ça, tu dis ah bon. Enfin, pendant, c'est pas après, c'est pendant que ça arrive. Et c'est tant mieux, hein, on ne va pas se plaindre. Mais ça tombait juste parce que c'est aussi. Il n'y avait pas qu'une. Il y avait une volonté de se démarquer qui faisait qu'on était dans l'état d'esprit. Punk aussi, quoi. On se démarque d'abord en se coupant les cheveux, on se démarque en jouant d'une manière différente de ceux d'avant, et puis tout ça fait que ben ça crée une famille. On croit être unique et puis on se trouve des centaines de groupes comme ça de par le monde, et c'est pas plus mal. Mais étant jeune, avais-tu vécu un peu en Angleterre pour amener ici, ou pas? C'était tout à fait improvisé? Pas du tout, j'habitais à Lyon, qui était à l'époque encore plus la province qu'aujourd'hui. Mais qui était bouillonnant aussi au niveau musical? C'était bouillonnant, je sais pas, il y avait quatre ou cinq groupes qui s'étaient créés, qui faisaient parler d'eux. Est-ce qu'on peut appeler ça un bouillonnement? J'en sais rien. Mais ça suffit pour qu'on parle de la ville et qu'on parle de nous. Ça, c'est clair. Le bouillonnement, pour moi, c'est quand vraiment ça explose dans tous les sens, comme ça arrive parfois. Là, ça ressemblait au désert, la musique à Lyon en 76. 77, c'était différent déjà. Mais qu'est-ce qui fait qu'on quitte Lyon pour aller à Paris? Moi, j'ai quitté Lyon sur le tard, j'ai quitté Lyon en 88, je crois, parce que je ne trouvais plus mon compte à Lyon au niveau créatif dans la musique. C'est un petit monde, donc les gens que je fréquentais, j'éprouvais des limites avec eux. Voilà. Et j'avais envie de me ressourcer, j'ai eu le choix entre Paris ou bien Bruxelles, et j'ai pris Paris parce que j'ai rencontré un dénommé Jacques Bastello, ouais, qui voulait que je fasse des paroles pour lui et qui était prêt à m'aider dans la musique. J'avais besoin, parce que je ne suis pas un excellent musicien. Mais le punk n'a pas suscité en toi un intérêt à apprendre davantage, ou tu voulais pas avoir de balises musicales pour te lâcher pour. Tu sais, on a aussi été considéré comme punk parce qu'on jouait pas bien. Hein. Voilà, c'est tout. On savait pas. Involontairement? Non, involontairement. On apprenait en jouant. On a monté le groupe et après on a appris à jouer. Comme Sonic Youth. Comme beaucoup, ouais, c'est sûr. Et donc au fur et à mesure, on se bonifiait. Et après, au plus on se bonifiait, plus on avait envie de jouer d'autres musiques, etc. Et puis c'est ce qui me pousse encore, je crois, d'ailleurs, aujourd'hui. Si je fais des disques différents à chaque fois, c'est parce qu'à chaque fois, j'ai envie d'aller voir ailleurs pour apprendre. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a une césure, du coup? Comme quelque chose de très banal, tu passes de 4 mômes de 17 ans à 4 adultes de 25 ans, avec au début tous sur le même moule, et puis après 4 personnalités différentes qui ont envie de vivre des choses différentes. Un groupe, ça devient une entreprise à gérer après, une entreprise sentimentale à gérer. Une famille, hein, c'est une famille. Oui, mais contrairement à la famille, tu peux dire au revoir et puis et que ça s'arrête. Ouais. Une famille, tu dis au revoir, mais elle te reste en tête et puis c'est comme ça. C'est quoi. Les racines. Quoique ça a été tes racines musicales. Oui, oui, c'était des racines musicales, c'est sûr. Mais c'est marrant parce que dans le terme de racine, il y a un côté, ça fait toujours penser à des plantes et à des arbres qui ne peuvent pas bouger. Et j'ai l'impression que ta musique, c'est pas ça. On a des racines, mais on peut s'envoler, contrairement à un arbre. Ah ouais, c'est vrai. Quoique, en même temps, il faut rester, il faut aller puiser dans ce qu'on était. Non? Écoute, il y a des gens pour qui les racines musicales comptent toute leur vie. Moi, j'ai l'impression d'être une plante grimpante et elles sont loin, quoi, tu vois. Elles sont loin. Donc elles comptent, et à la limite, c'est même les toutes premières racines musicales qui comptent aujourd'hui, celles de la petite adolescence, où j'écoutais tout et que j'aimais tout. Pas celles d'après, où j'ai décidé d'être l'ado con qu'on peut être à un moment donné, de renier des choses, de dire non, il n'y a que ça qui compte. Alors ça, c'est clair que maintenant, j'ai passé l'âge de ça, c'est depuis très longtemps. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes quitté, c'est que chacun avait d'autres objectifs et... Il y avait un tout, c'était un tout. On a carburé pendant 5 ans à fond, quoi, sortir un album par an, plus des 45 tours, à tourner sans arrêt, ça épuise. Et à un moment donné, il y a aussi cette... Autant un groupe anglais ou américain peut trouver une satisfaction à continuer parce qu'il sait que le monde l'attend. Et quand tu es franco-français, tu saisis les limites de l'Hexagone et du Québec. Et après ça, c'est fini, quoi. Donc, tu arrives à un moment donné où tu te dis, on s'échappait, c'est fini. Donc, la meilleure façon de s'échapper, c'est d'aller faire d'autres musiques. Donc, c'est un peu ce que... Je te dis ça, c'est une théorie, il y en a d'autres. La fatigue, c'est sûr. Le fait qu'on ait changé tous et qu'on ait envie de vivre des choses différentes, c'est sûr aussi. D'abord, au départ, l'arrêt du groupe, ça a été on se donne 6 mois de vacances. On fait d'autres choses chacun et on se retrouve 6 mois, on voit comment ça se passe. On s'est retrouvé au bout de 6 mois, on a répété, on a dit plus rien. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Ok, bon ben au revoir, voilà quoi. Ça s'est passé comme ça. Mais peut-être qu'il fallait attendre un an, j'en sais rien. C'est long un an quand t'as 25 ans. Est-ce qu'il y a une difficulté d'après Star Shooter, le lien entre le groupe et le fait que tu fasses cavalier seul? Est-ce qu'il y a eu comme un désert? Oui, bien sûr. Il y a eu la période X qui peut être plus ou moins longue. Et c'est dans cette période où tu... Les années 80, enfin 80. Ouais, c'est ça. Voilà. Heureusement, j'avais la bande dessinée. Donc j'ai fait beaucoup de bandes dessinées à Metal Hurlant. J'ai publié des albums aux Humanoïdes, chez Futuropolis, et puis je faisais un peu de la musique au compte-gouttes. J'en écoutais beaucoup justement pour me ressourcer. Je me suis tourné à ce moment-là vers la chanson, effectivement, dans cette période-là, en tant qu'auditeur. J'écoutais des vieux Gainsbourg, des vieux Becco, Aznavour, vieux Brel. J'écoutais pas le chanteur, j'écoutais la musique derrière. Parce que chose qu'on ne fait jamais avec ces chanteurs-là, quoi. Et c'est la musique est tellement... J'ai pris une claque, quoi. Je me suis dit, putain, les rockers ont vraiment fait table rase d'un truc qui était unique et ce serait bien de revenir à ça. Alors là, j'ai mis du temps pour revenir à ça parce qu'il y avait beaucoup de barrières autour de moi pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'en 86, quand tu dis, tu t'appelles Kent, ex-Star Shooter, et que tu dis, je veux faire de la chanson française avec l'accordéon, ça passait plutôt mal, quoi. Préjugé, et en plus, l'accordéon était totalement ringard à l'époque encore, quoi. Vraiment ringard. Donc c'était, à la limite, tous ces empêchements m'ont aidé, parce que si j'avais fait un disque dans cet esprit-là à ce moment-là, ça aurait été un échec total. Et le fait d'avoir été obligé d'attendre pour des raisons, ben voilà, personne n'y croyait, et donc je ne peux pas faire ça tout seul, fait que c'est arrivé au bon moment. lasse, revolver, campement rudimentaire. Tout est vert, tout est guerre, même les moustiques se terrent. Sous les soleils d'Équateur, as-tu déjà eu peur? Tant de gâchis, tant de morts, dans un aussi beau décor. Je dois reconnaître que ça, c'est la deuxième chance de ma vie. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es adonné au dessin? Étant jeune, tu... Ouais. Mais Jean de Gaulle, tu dessinais? Ouais, je faisais la BD. J'en fais depuis avant ma première guitare, quoi. C'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais gamin. Je voulais faire dessinateur de bande dessinée. Donc j'ai fait mes dessins, j'étais autodidacte total. J'ai apporté mes premières planches à Paris en montant en stop avec le carton sous le bras. Et tu étais encore dans ce groupe-là, tu étais encore dans Star Shooter. Mais Star Shooter, ça démarrait, on avait 15 ans. Okay. Ça s'appelait pas Star Shooter, ça s'appelait une bande de copains au fond de la classe à côté du radiateur. Ça cherchait son nom, ça cherchait. Ça écoutait des listes plus que ça en jouait. Enfin voilà. Et ça s'est fait avec le temps. Et pendant ce temps, je faisais du dessin. Et donc, jusqu'au moment où j'ai commencé à être publié chez Metal Hurlant. Dis quand même. Qui n'est pas la moindre école. C'est pour les amateurs. Ça, c'est clair. Alors, moi, je disais ça et je rêvais de ça. Et quand je montais à Paris pour montrer mes dessins chez Pilote, ou je ne sais plus, chez. Qu'est-ce qu'il y avait autre revue à l'époque? Est-ce que Fluide Glacial était déjà là? Non, pas encore. Okay. Il y avait l'Écho des Savanes, il y avait un truc qui s'appelait Circus, qui était les éditions Glénat. Ah, oui. Je ne sais plus quelle autre revue encore. Et les seuls qui m'ont accueilli dans l'immédiat sans me demander de prendre rendez-vous et sans avoir laissé mon carton. C'était métal. Je frappe à la porte, c'est Dionne qui m'ouvre. Et il me dit, ben rentre, il regarde mes dessins, puis il me donne des conseils, puis il me dit, bon, c'est pas bon, mais il y a quelque chose, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Ouais. Mais crois-tu qu'on t'a pris parce que tu étais membre du groupe ou parce que tu avais des dessins qui. Dionne ne savait pas que je. Ok, tu faisais pas association. On n'était rien, à ce moment-là, on jouait dans les fêtes, dans les anniversaires, dans les garages, des copains, quoi. On n'était rien du tout, on faisait des reprises, on n'était rien. Alors, le truc est venu. Alors la chance par contre est venue grâce à Metal, parce que un jour je me suis repointé à Metal pour montrer encore des dessins qui étaient pris vraiment au compte-gouttes, quoi. Et là, le gars qui m'ouvre, c'est pas Dionne, c'est Manœuvre. Et moi je le reconnais, il regarde mes dessins, on parle dessins, et à la fin je lui dis t'es Philippe Manœuvre, il me fait ouais, et je lui dis ben j'ai un groupe. Et là je vois son air ennuyé, disant putain encore un qui va me parler de son groupe. Ouais. Et puis il me dit c'est quoi ton style? Et je lui fais bah nous on fait du rock speed et on déteste les Stones. Et il me fait ah ça m'intéresse, envoyez-moi une cassette. Alors j'envoie une cassette et ça a tout déclenché, c'est un truc qui a tout déclenché. C'est lui qui t'a ouvert les portes. Ouais, et sans le savoir d'ailleurs. Ouais. On s'est retrouvé le mois d'après dans un grand article consacré aux punk, américain et anglais et français. Et il y avait les gars dont les gens dont on parlait, les Sticky Toys, on en parlait déjà, il y avait Little Bob, il y avait je sais pas qui, et puis on était là et on était inconnus. Et je pense que Manœuvre nous a mis là-dedans pour snober ses potes journalistes, pour dire j'ai découvert un groupe, ah ouais, c'est ça. Mais je pense pas qu'il croyait en nous. Ah ouais. Je crois qu'il a fait ça pour se marrer, quoi. Et il n'empêche que ça a déclenché tout parce qu'il y avait notre contact en bas de l'article et que un organisateur de concert à Grenoble nous a appelé le jour de la sortie de Rock'n'Folk en disant je cherche une première partie punk pour Jacques Higelin à la patinoire de Grenoble, est-ce que vous êtes partant? On fait bah ouais, bien sûr, évidemment. Et là c'est là qu'on découvrait qu'on était vraiment en punk. Et comment vous avez été accueilli? Parce que le public de Higelin, c'est pas le public des Star Shooter quand même. Higelin à ce moment-là avait fait son virage rock, oui. Avec plus ou moins de bonheur, il y avait une partie de son public qui détestait ça et un autre qui était content que ça bouge. Et quand on est arrivé sur scène avant lui, on était dans une salle où il y avait 2000 personnes assises en tailleur par terre à se rouler des joints, ça sentait le patchouli, ils avaient les cheveux jusque là, nous on avait les cheveux comme ça, on était habillés n'importe comment, enfin n'importe comment, pas comme eux en tout cas. Et je me suis pointé sur scène, j'ai fait ah ça va pas du tout là, faut pas rester comme ça les gars. Et on a commencé à jouer et en trois morceaux, tout le monde s'est levé et à la fin on a fait un malheur, quoi. Et Higelin nous est tombé dans les bras en disant vous êtes formidables les gamins et tout ça. Et il était avec Philippe Constantin, je pense. Oui, c'est un nom. Le hasard. Ben oui. Philippe Constantin accompagnait Jacques Higelin à Grenoble. Il était là, il nous a vu sur scène, il fait si vous avez besoin d'aide, tenez, voici ma carte. On ne savait pas qui c'était. Oh, ouais. On a pris sa carte, on l'a appelé le lendemain, il nous a dit si vous voulez faire des maquettes, montez à Paris, je vous paye les maquettes. Et c'est parti. Professionnel. Ouais. Ah, oui. C'était étonnant. On tombait des nues, on connaissait rien de rien, on n'était jamais rentré en studio. Enfin, bon, En fait, c'est des gens qui ont cru en vous ou qui ont lancé des perches et vous les avez attrapés. C'est des perches qui sont arrivées au bon moment. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est des perches qui sont arrivées au bon moment. On n'aurait pas eu ce concert à Grenoble en première partie de Jacques Higelin, on n'aurait pas fait connaissance avec Constantin. Le groupe n'aurait peut-être jamais fait de disque. Ou s'il en aurait fait, mais dans des conditions différentes, ça n'aurait pas été ce qui s'est passé, quoi. Mais comment vous avez accueilli le succès? Ça nous semblait normal, on était le meilleur groupe du monde. C'est vrai. On était des mômes. On rêvait d'être des rockstars. Et ce qui nous arrivait était un scénario normal. On ne pensait pas que c'était de la chance. Okay. C'était normal. On était bons, c'était normal qu'on nous remarque. Ce qui était quelque part pas faux, sûrement. Il y avait quelque chose qui se dégageait pour qu'on puisse mettre le feu dans une salle en 30 minutes. Il s'est passé quelque chose, c'est certain, quoi. Après, moi je ne vais pas dire que c'était. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on était le meilleur groupe du monde. C'était juste qu'on était là au bon moment, c'est tout. Mais qu'est-ce que. Ouais, tu disais tantôt que tu n'aimais pas du tout les Rolling Stones. C'était une pause aussi. C'était pas mon groupe préféré. On a joué des reprises des Stones dans les fêtes des copains, c'est évident. Mais. Comment dire, c'était clair pour nous à ce moment-là, et c'est en cela qu'on avait l'esprit punk sans le savoir, que ce groupe-là, il fallait qu'on, qu'on, qu'on les renie pour pouvoir s'imposer. Okay. Si on continue à dire on aime le Rolling Stone, on se fait c'était pas possible. Et vous êtes, ouais, c'est sûr, une réplique. Alors vous vous dites, vous éloignez de ce genre de structure. Ouais. Et musicalement aussi. Pour créer quoi de chemin. Musicalement, on voulait plus du blues, on voulait plus de ces racines-là, on voulait quelque chose d'aujourd'hui, de moderne. Et nous, c'était cette idée de jouer très vite. Mais étrangement, là, tu y retournes, tu veux retrouver ces chemins-là, le blues, la musique française. Ah non? Non, la chanson. Alors, je considère la chanson française comme étant notre country, ça c'est clair, notre blues si tu veux, mais le blues anglo-saxon, le blues américain, c'est pas mon truc quoi. Les trois accords, j'en ai soupé justement en faisant mes gammes, et pour moi ça me rappelle tellement mes gammes que j'y suis insensible, vraiment, ça me touche peu. Après le dessin qui t'a comme servi de pause en Star Shooter, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des collaborations avec d'autres artistes parce que tu avais un nom déjà imposant, donc les gens venaient te chercher pour faire de la musique. Ça s'est pas passé comme ça, ça s'est passé que j'ai fait, comme je te disais, de manière économe des 45 tours pendant cette période-là, sans faire trop de concerts, j'avais pas de groupe vraiment. J'ai fait un ce qu'on appelait un mini LP à l'époque, truc city, truc tout ça, avec François Bréant, avec qui je m'entendais bien, mais par contre j'étais totalement largué au niveau musical, je savais vraiment pas où. Puisqu'on me refusait de faire de la chanson et que je voulais plus faire de rock, j'ai fait à ce moment-là un ou deux albums qui sont. Que tu revendiques? Non, je revendique pas trop. Tu cherchais. Au niveau parole, au niveau texte, il y a des belles choses. Au niveau musique, honnêtement, je cherchais, j'étais perdu. Je trouvais pas. Mais c'est marrant parce qu'avec la réédition du coffret, j'ai dû bosser sur ces albums pour les remasteriser. Ouais, ouais, ouais. Et je redoutais, mais maintenant ça me fait rire, ça m'amuse. C'est marrant de. C'est, en fait, c'est un bouquet. C'est comme si j'avais écrit une autobiographie musicale, quoi. Voilà. Il s'est passé ça, je peux pas le renier, c'est comme ça. Et c'est marrant. Il faut quand même l'accepter, malgré tout. Oui, oui, ouais, c'est parce que c'est ce qui t'a formé pour te rendre ailleurs. Mais bien sûr, évidemment. Évidemment. Ouais. C'est un cheminement. Évidemment, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut prendre tout dans la vie et les échecs et. Et les malheurs. Est-ce que pour toi, lorsque tu composes, c'est la musique qui arrive et les paroles après, ou si c'est jamais pareil? C'est jamais pareil. Il peut y avoir, là tu vois, j'étais en train de lire un roman que j'ai envie de finir, ouais. Donc j'étais pas les bras ballants, mais j'aurais pu arriver, j'ai une feuille de papier toujours sur moi, pliée en quatre, et là en attendant, quand je m'assois quelque part, je sors la feuille, puis je... réfléchis ou je réfléchis pas, j'ai des trucs en tête, j'ai des notes comme ça, mais donc ça fait des futurs textes. Et puis quand je suis chez moi et que je prends une guitare et que je commence à graboter, ça peut faire une future chanson. L'idéal c'est quand tu as un futur texte avec une future chanson qui peuvent se marier ensemble, là au moins il n'y a pas à chercher longtemps quoi. Y'en a qui croient au feu et on porte un sur eux, hein.

course de l'auto. Comment vais-je payer ma bouffe et ma chemise à poids? Mes cours de boxe et des caprices idiots. Comment vais-je payer tout ça? Comment vais-je payer tout ça? Comment vais-je payer tout ça? Et puis c'est la récré, et ses cheveux sont fumés, et les cours de... que tu pars, que tu prends ta guitare, est-ce que tu mets un magnéto pas très loin pour pouvoir... Bah, mettons, c'est le smartphone. Ah oui, ah bah, oh, c'est vrai. Avant, c'était un peu galère, effectivement. Ah, ouais. J'avais un dictaphone que je trimballais tout le temps. Maintenant, le smartphone, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que de ton temps, t'es vraiment pas... Tu renies pas ce qu'on est rendu en 2015, ce qui nous a amené jusqu'à ici. Non, mais c'est un appareil qui... C'est un... C'est un bijou. Un bijou de l'enfer, mais c'est... C'est quand même, il y a quelque chose avec ça. De ce point de vue-là, c'est étonnamment pratique, évidemment. Ouais. Même une mélodie, je peux la chantonner. Même si justement j'ai une idée de texte et que j'ai pas ce fameux papier parce que je suis parti trop rapidement, je tapote dans les notes et puis je marque mes textes. Quoi. Mais attends-tu à des moments spécifiques pour te placer en écriture, pour te placer en création? Non, il y a des moments spécifiques pour faire le tri de toutes ces idées éparpillées. Ça, c'est à un moment donné, il faut que je me dise, allez, tu t'y mets là. Et c'est, des fois, ça tombe bien, l'inspiration est là, ce qui fait que ça se construit facilement. Et puis d'autres fois, c'est... c'est lourd, c'est difficile. Si tu dis, mais pourquoi je fais ça, c'est, j'ai l'impression d'aller au boulot. Voilà, mais je crois qu'on est tous là. Dans n'importe quel métier de création, ça quoi. Il y a toujours ce moment où il faut s'y mettre quoi. Essaies-tu de vivre des expériences pour pouvoir à un moment donné avoir des sujets, avoir des... Oui, mais je suis une éponge à réaction lente. Okay. Que je vais vivre des choses extraordinaires et ça va pas me faire écrire un texte immédiatement. Quoi, le truc va surgir 2 ans, 3 ans après, ou à moins qu'il y ait un choc thermique, je pourrais dire, qui se passe à ce moment-là. Comme la chanson Je suis un kilomètre qui m'est arrivée immédiatement dans une situation très précise. Mais je sais que par exemple quand j'ai tourné en Chine, j'étais à l'affût sans arrêt, quoi. J'avais les antennes ouvertes en me disant chope tout, il peut se passer des choses. Il se passait des choses, mais il n'y avait rien qui sortait, j'étais trop... Il fallait que je prenne tout, quoi. C'est le contraire, hein, là-bas, c'est vraiment pas comme chez nous, ici, ou en Amérique, c'est vraiment une autre façon de vivre, et puis mais c'est des gens comme nous, mais en étant autrement. Oui, mais c'est pas ça qui bloque l'écriture, c'est juste... À la limite, j'étais trop enthousiaste, j'en sais rien. Okay, comme un gamin là, devant un cadeau. À voyager, à voilà. Mais je mettais les trucs. Il y a une chanson qui est née là-bas et que j'ai fini, qui s'appelle Oublier, qui est dans le dernier album. Où c'est vraiment, je me souviens très bien de ce moment où j'étais dans cette espèce de boîte de nuit française à Shanghai, qui est, sur une terrasse d'un immeuble le long du Yangtze-Kiang. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet endroit. Ça porte un nom, cette allée, cette avenue. Hein. Okay. C'était le 14 juillet, donc évidemment tout le Shanghai by night était là parce que c'était les Français qui faisaient la fête, avec tout le monde avec des perruques bleu, blanc, rouge, ridicules et tout ça. La disco ringarde des années 80 française. Et j'étais là avec tous ces Chinois, tous ces Français, et je me suis dit, faut pas que j'oublie ce moment-là, quoi. Demain je prends l'avion pour aller je ne sais trop où jouer. C'est étonnant, quoi. Mais là, ça a été long à sortir. Enfin voilà, je te cite un exemple. Et ensuite, dans les années 90, tu as fait beaucoup de collaborations avec des chanteurs, des chanteuses, Enzo, entre autres. C'est venu d'Enzo, ça, en fait. C'est Enzo qui, la première, après un concert que j'ai fait à Paris, m'a écrit une lettre. Je la connaissais un peu, comme passé de Lily Drop, on s'était croisés plusieurs fois. Quoi. On avait des amis communs, donc quand je venais à Paris, ça nous arrivait de se voir. Et elle m'a écrit une lettre en disant « J'aime vraiment beaucoup tes textes, je prépare mon premier album, est-ce que tu ferais des textes pour moi ?» Et j'étais touché, c'est la première personne qui... Tu la connaissais un peu ? Bah, comme je t'ai dit, quoi, un peu, c'est tout, par des amis communs et par son passé dans un groupe de rock. Quoi. Et donc j'ai écrit pour elle. Et puis j'ai commencé à faire des albums dont on parlait. Ouais. Et c'était vraiment une période, si tu veux, très pauvre en auteurs de textes en France. Je me souviens très bien de ces années 80. C'était quand même le top 50 qui primait en France avec début de soirée, des chansons à la con, avec 50 mots maximum de vocabulaire. Et quand quelqu'un arrivait avec des chansons qui signifiaient quelque chose, qui racontaient des histoires, on lui sautait dessus, quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Et c'est à quel moment que tu t'es mis à écrire pour d'autres? Est-ce que ça s'est fait tranquillement ou... Bah, ça s'est fait à ce moment-là, ça s'est fait sur la longue durée. Hein. J'ai écrit pour d'autres, mais pas beaucoup. Si tu veux, c'était une chanson par-ci, une chanson par-là. Il n'y a qu'avec Enzo, il y a eu un truc assez durable. Et puis un chanteur... Il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé vraiment quelque chose. Et puis un gars qui s'appelle toujours Hervé Paul, qui a fait quelques albums. Et il était dans la famille Bastello et compagnie. C'est ces gens-là qui m'ont fait venir à Paris, en fait. Lui, à l'époque, Hervé Paul était éditeur et tout ça. Puis il m'a dit, moi, je vais faire des disques et tout ça, est-ce que tu veux faire des paroles avec moi? Donc, j'ai fait de la coécriture avec lui beaucoup. Okay. Voilà. Mais t'as-tu appris à coécrire ou si tu le faisais avant? Non, je le faisais pas avant. Ok. Et comment s'est passé le fait de travailler avec quelqu'un d'autre? Bah, on apprend, hein. Ouais. On apprend. Au début, je pensais, j'avais dans l'idée de faire du sur-mesure pour les gens, et puis ça, je savais pas faire du sur-mesure. C'est là que je me suis rendu compte la différence entre un parolier et un auteur. Le parolier sait faire du sur-mesure, s'adapte à l'interprète. Moi, quand je m'adaptais à quelqu'un, je perdais beaucoup. Je trouvais que mon style perdait, quoi. C'est un peu comme si je m'auto-censurais. Et donc, je me suis mis à écrire tel que j'écrivais pour moi, quoi. Et voilà. Et quand je me trouvais avec des personnes qui me disaient « Ah non, ça va pas, le texte, ceci, cela », j'étais prêt à faire quelques corrections, mais pas changer du tout au tout, quoi. J'ai dit, non. Si vous ne me cherchez parce que je suis Kent, prenez-moi comme Kent, sinon allez chercher quelqu'un d'autre. Oh, ouais, voilà. Mais est-ce qu'il y a des textes qui t'amènent à les placer dans un tiroir pour d'autres interprètes à venir, ou si tout est bon pour toi, si on sonne à ta porte, ben tu vas peut-être en proposer? Bon, j'ai pas tant de textes que ça de côté. Okay. Non. Où j'ai écrit beaucoup à une époque et j'ai tout usé. Il ne me reste plus beaucoup. Ok, ah oui. Voilà. Comment tu fais pour jeter certains textes? Parce que souvent, ça peut être intéressant de reprendre. Oui, mais c'est ça, mais je compte cela. Quand, okay. Quand il ne me reste plus beaucoup, c'est parce que j'ai vraiment. Ok, t'as épuré. J'ai épuré, okay. Voilà. Okay. Quoi. Okay. Et. Je ne me rappelle plus ta question. Non, je disais, qu'est-ce que ça fait lorsque tu écris, est-ce que tu penses d'écrire pour toi ou si tu places ça sur dans un tiroir? Alors, bien sûr, quand quelqu'un vient te voir pour écrire pour lui, on n'écrit pas. La première question, c'est de quoi veux-tu que je parle? Oh, oui. Alors, il gagnera encore. La personne peut dire, ben oui, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est ça, et ça, c'est assez marrant. Pour écrire sur un sujet comme ça, sur commande, c'est plutôt bien. D'autres fois, la personne ne sait pas trop, alors on parle pour savoir comment elle est, qu'est-ce qu'elle a en tête, quels sont ses... Et puis j'essaie de faire quelque chose qui correspond à son univers. Et puis autrement, c'est quand ni l'un ni l'autre ne fonctionne, ben, c'est un texte que j'ai, effectivement. Et ce que je dis toujours quand je fais des masterclass en tant que professionnel, voilà, c'est de dire... écrivez toujours des bonnes choses, parce que comme ça peut toujours resservir. Non, mais qu'est-ce qui est bon? Hein? Mais qu'est-ce qui est bon? Bah, c'est ton jugement qui décide que c'est bon ou pas. Si ça te correspond, c'est bon. Ok. Si, et voilà, on sait, je sais quand j'écris une merde, je sais quand j'écris quelque chose de bien, la merde, je la jette. Okay. Ou je la garde en disant, il faudra que je l'améliore un jour. Mais il y a quelque chose là-dedans. Mais c'est le critère de le choix, c'est l'auteur qui le décide. Tu es le propre auteur et le propre critique de ton œuvre. Premier lecteur. Ouais. Le premier lecteur. D'une sévérité. Est-ce que tu laisses après ça d'autres entrer dans ce que tu as créé pour qu'ils te donnent un peu leur impression, si tu veux rien savoir avant que ce soit. Non, parce que pour moi, l'écriture, c'est une thérapie, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que des fois, on me demande pas. Des fois, il m'arrive de trouver. D'autres auteurs formidables en me disant putain qu'est-ce qu'ils écrivent bien et d'être tenté de leur demander quelque chose, mais non, parce que là je suis plus qu'interprète et moi ce qui me si je vais bien, enfin, si j'ai l'impression d'aller bien, c'est parce que je me soigne en écrivant, donc si je perds ça et après ça les gens jugent une fois que c'est fini, mais ils jugent pas avant que ce soit fini. Je suis capable de le faire ça pour l'écriture d'un roman, d'avoir un vrai dialogue avec un directeur littéraire, parce que je maîtrise pas le roman. Je suis autodidacte en tout. La chanson, j'ai su faire et c'est facile à contrôler parce que j'ai été nourri à ça. Ouais. le roman, c'est un travail de longue haleine et il y a des pièges. Il faut vraiment être uniquement écrivain pour, et au bout d'un certain temps pour savoir les déjouer, ce qui n'est pas mon cas. Yeah. autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'étouffer sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne s'envolent le jour, c'était ma peine, force de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Comme ça, je suis comme ton père devant ça. que tu étais avec un groupe. Aujourd'hui, tu fais dans les spectacles beaucoup plus humanistes, pas beaucoup de musiciens. En ce moment, oui, les deux dernières tournées que j'ai faites, c'était, on pianiste. Était deux sur scène, là, ou guitare-voix, ou piano-voix. Mais c'est un passage. Et est-ce que c'est une... Je reviens à la même chose. Ah oui, merci. C'était où? En tout état? Ah oui, merci. S'il vous plaît, Périmont, pareil. Oui, et donc, qu'est-ce que je disais à propos de... Ah oui, c'est ça. Oui, on était distrait, c'est fou comme une boîte d'allumettes pour couper le... Oui, oui, c'est ça, mais ça va revenir. Ma cloche de rapproche, très... On parlait de l'écriture, tata, cheminement... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non, oui, c'est ça, l'intimisme en spectacle. Ah oui, l'intimité, oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une condition aussi économique de se trouver avec peu de musiciens? Ou si tu préfères aujourd'hui laisser passer tes textes à travers si peu? Ça a été une provoque de ma part à un moment donné. Je venais de faire l'album L'Homme de Mars, qui était un album conceptuel très orchestré. Ouais. Et tout. Ouais. Bon, évidemment, je ne pouvais pas me pointer sur scène, faire une tournée avec un grand orchestre, mais avec un orchestre réduit, j'avais réussi à trouver une formule à 9 musiciens avec cuivre et tout ça. C'est quand même quelque chose de lourd. Mais je suis allé jusqu'au bout de l'idée de présenter sur scène à Paris. Alors, j'ai fait un concert à Paris dans cette formule-là. On a joué l'album intégral. Sans interruption, comme ça qu'il y a une expérience assez intéressante. Mais pas traumatisante. Ah, pas du tout, okay. c'est vachement bien au contraire. Okay. C'est comme une pièce de théâtre. Exactement. Okay. Et il y a une tension sur scène qui est vachement bien et dans le public aussi qui se crée. C'est-à-dire qu'à la fin du premier morceau, les gens commencent à applaudir, on enchaîne directement après ils s'arrêtent. Et à la toute fin des 50 minutes de musique, l'explosion qu'il y a, c'est jouissif. Quoi. Mais c'est un peu comme en Asie, on attend la fin du spectacle pour applaudir. Donc les gens qui ne savent pas, ça sent pas mal à l'aise. Ou une pièce de théâtre, ou de la musique classique aussi, pareil. C'est ça, Mais ça, c'était vachement bien. Et donc, à la sortie de ce concert, j'étais avec mon producteur de spectacle. Et je lui dis alors, il fait, on n'arrivera jamais à le vendre. C'est trop cher. Et j'ai fait, bon, d'accord. Alors, la prochaine tournée, on sera deux sur scène. Et j'ai dit ça comme ça. Oh, t'as lancé comme une bouteille à la mer. Bouteille à la mer, puis même presque goguenard, quoi. Et puis finalement l'idée a fait son chemin. D'abord parce que j'avais aussi envie d'essayer ça, j'avais pas jamais trop fait monter sur scène. À deux, à trois oui, mais à deux non. En tout cas je sais que j'ai toujours besoin d'un musicien parce que je suis pas assez bon musicien. Ou alors peut-être que, ou pas assez cabotin, j'en sais rien. Je crois que je pourrais aujourd'hui me permettre des concerts tout seul avec la guitare en racontant les chansons et que le public trouverait son compte, mais je suis pas sûr de trouver le mien. J'ai envie de partager, d'être sur scène, d'avoir des clins d'œil avec quelqu'un, voilà. Qui se passe quelque chose. Qui se passe quelque chose, et puis ce quelqu'un, et si c'est un musicien, il m'apporte encore une fois quelque chose. J'apprends encore. Ah oui. Et donc voilà, je suis parti avec Fred Palem en tournée, sur ce qui allait devenir plus tard l'album Panorama. Au départ, c'était pas un album, c'est une tournée. Je revisite mes chansons à deux sur scène, voilà. L'expérience a bien plu, on a fait pas mal de concerts, du coup les gens réclamaient ces versions, on est rentré en studio les enregistrer, on est reparti, et puis après quand je suis parti sur l'album donc, qui s'appelle Le Temps des âmes aujourd'hui, j'étais pas du tout parti sur l'idée à deux quoi, je voulais faire un album rock, j'ai commencé à maqueter et j'arrivais pas à trouver le... Il y avait des bons trucs, mais ça ne me satisfaisait pas à 100%. Et je suis parti à Berlin parce qu'on me proposait de jouer à Berlin. Et à Berlin, j'ai un copain, donc Marc Haussmann, qui est pianiste. Et je lui ai dit, j'ai jamais fait de piano-voix. J'ai jamais fait un concert entier de piano-voix. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Et il a dit oui, kein problème. Donc on s'est retrouvé à répéter un répertoire comme ça. Je suis monté sur scène et c'est passé un truc formidable. Qui m'a foutu les poils, enfin, qui m'a ému énormément. En plus, on a joué. Des retrouvailles. On a joué. Bah, non, c'était pas des retrouvailles, c'était des trouvailles, tout simplement. Okay. Parce que Marc, on n'avait jamais trop joué ensemble, quoi. Et j'ai joué pas mal de nouvelles chansons qui étaient en chantier. Et les chansons étaient magnifiées par ce truc-là. Je me dis, ben voilà, on va faire l'album comme ça. Ouais, donc il y a à la fois une envie, puis après on se laisse emporter par l'actualité, je pourrais dire, quoi. Alors aujourd'hui, là, j'ai fait un concert à Paris au mois de juin. Oui, que j'ai vu des photos. Voilà, ouais. C'est extraordinaire. Avec juste piano-voix la première partie, ouais. Et puis la deuxième partie avec Tahiti Boy et des musiciens. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et ça m'a fait vachement du bien jouer avec des musiciens, quoi. Vachement. Alors ça t'a donné peut-être la piqûre de refaire quelque chose dans ce... Ah, évidemment, évidemment. Mais alors, ce qui est marrant, si tu veux, c'est que les deux me vont. Je me rends compte, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert accidentellement lors d'une interview il n'y a pas longtemps. Je me rends compte, en fait, que quand je fais de la chanson de cette façon-là, quand je fais vraiment de la chanson, j'ai l'impression de faire du théâtre. Et quand je suis sur scène avec un groupe électrique, je fais du cinéma. C'est vraiment ça, quoi. Il se passe quelque chose dans le cerveau. Voilà, et puis même au niveau technique, il y a des artifices avec l'électricité, avec le bruit qu'on dégage, qui ressemble au cinéma, où on subit et on peut tricher, à la limite, justement. L'acteur n'est pas assez grand, on le monte sur des chaussures. On peut changer d'angle, on peut changer la caméra. Voilà, peut, c'est ouais. Ça. Et là, le son n'est pas assez fort, je le monte. Oui, c'est ça. Et alors que quand on est en chanson, piano-voix ou guitare-voix, ben, c'est comme du théâtre, quoi. Le décor ne compte plus. Et c'est très amusant, ça m'amuse beaucoup. J'aimerais peut-être une formule entre deux, un groupe pas trop imposant. Pour pouvoir tourner, aller ailleurs, ouais. À Montréal, Québec. Aller ailleurs, Montréal, Québec, et même aller ailleurs en France. C'est-à-dire que la France est encore un pays qui ne s'est pas conjugué son hémisphère gauche et son hémisphère droit. Ouais, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a la chanson d'un côté et le rock de l'autre. Et quand je pars sur une tournée chanson, quand je pars sur une tournée piano-voix, on pense pas à Nick Cave, on pense à Barbara, et je me retrouve dans le circuit de la chanson, et le circuit rock ne veut pas de moi. Par contre, si je monte sur scène avec le même répertoire et une guitare électrique, c'est le contraire qui se passe. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est saoulant. Alors voilà, donc... l'idéal, c'est de retrouver la formule qui aille dans les deux corps. J'ai écouté ton album qui est fabuleux. Et en fait, je veux savoir pourquoi tu as choisi d'interpréter une chanson de Jacques Brel qui a été jamais indiquée sauf. C'est très con. Non, c'est pas con, au contraire, c'est tellement bien chanté. Mais c'est. Non, mais pourquoi cette chanson? C'est quand on répétait avec Marc. Pour s'échauffer, je parlais de ces chansons de Jacques Brel qui n'étaient jamais sorties, ouais. Ou enfin qui étaient sorties de manière confidentielle. Et donc, c'est même pas confidentiel, c'était même sorti dans sur. C'est sorti sur un double best-of. Pour le 20e, 25e anniversaire, il y avait ces six chansons, personne n'en parlait. On parlait que des chansons archi connues de Brel. Quoi. Et moi, c'est bizarre, je dis putain, il y a quand même 6 inédits de Brel, on pourrait quand même les entendre à la radio, quoi. Là, pas du tout. Donc, j'étais en train d'évoquer ça à Marc, et en lui disant, il y a deux chansons que j'adore, c'est Avec élégance, et puis sans... pas sans prétention, sans... Ah oui, oui, oui. Sans oui, exigence. Oui, sans exigence. Voilà. Ouais. J'ai dit, ces deux chansons, je les adore, et je lui fais écouter, et on se met à jouer avec élégance, qui devient un peu notre chanson d'échauffement, okay. Pendant les répétitions. Et je te jure, ce n'était pas prévu qu'on le mette dans l'album, quoi, tu vois. Mais elle commençait à faire son chemin comme ça, et un jour, mon manager vient écouter les répétitions, enfin, ce qui allait devenir l'album. Je lui dis, tiens, on va te jouer les morceaux de l'album, comme ça, du piano-voix, tu auras la sensation première. Et au début. Tu parles la pratique avec ça. Et on fait avec élégance pour s'échauffer. Il fait, c'est vachement bien ça. Ouais, c'est ça. Et là, tu lui as dit, c'est pas de moi, c'est de vrai. Et c'est là que tu as décidé de le garder. C'est là qu'on l'a mis, quoi. Se sentir quelque peu romain, mais au temps de la décadence. Gratter sa mémoire à deux mains, ne plus parler qu'à son silence. Et ne plus vouloir se faire aimer pour cause de trop peu d'importance, être désespéré, mais avec élégance. Sentir la pente plus glissante qu'au temps où le corps était mince. Lire dans les yeux des ravissantes que 50 ans c'est la province. Et brûler sa jeunesse mourante, mais faire celui qui s'en dispense. Être désespéré, mais avec élégance. Sortir pour traverser des bars où l'on est chaque fois le plus vieux, y éclabousser de pourboire quelques barmanes silencieux, et grignoter des banalités avec des vieilles en puissance, être désespéré, mais avec élégance. Savoir qu'on a toujours eu peur, savoir son poids de lâcheté, pouvoir se passer de bonheur, savoir ne plus se pardonner, n'avoir plus grand chose à rêver, mais écouter son cœur qui danse, être désespéré, mais avec espérance. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.